sérieux, pas sérieux. Certains avec leur gueule d'escroc officiel te pulvérisent comme tu serais pas sérieux, pas sérieux. Mais comme moi, cet acharnement, pas sérieux, pas sérieux, t'a mis à l'oreille la puce. Pas sérieux, pas sérieux, qui détruit la planète, le nid inévitable de la vie. Ces actes sont irresponsables et indéfendables. Pas sérieux, pas sérieux, même s'il fait rire dans tous les médias. Pas sérieux, pas sérieux, il a un style de vie destructeur. Plus t'es riche, plus tu pollues, plus t'es star, plus tu pollues. Pas sérieux, pas sérieux. Et ça, ce sont les chiffres et les faits. Pas sérieux, pas sérieux. Par toute l'énergie non remplaçable dont ils abusent, ils sont pas sérieux, aveugles et sourds aux conséquences de leur acte. Ils sont pas sérieux, même s'ils sont décrétés tendance ou top mode. C'est pas sérieux, pas sérieux. Certaines, avec leur gueule d'escroc officiel, te pulvérisent comme tu serais pas sérieuse, pas sérieuse. Mais comme moi, cet acharnement, pas sérieuse, pas sérieuse, t'a mis à l'oreille la puce. Pas sérieuse, pas sérieuse, celles qui si sérieusement t'écrasent de leur arrogance ringarde, car leur vie ne supporte pas d'être dévoilée. Pas sérieuse, pas sérieuse, en totale de nocivité et en coût complet pour la collectivité. Pas sérieuse, pas sérieuse, sans que la répulsion ne te submerge. Les riches coûtent si cher à la société. Pas sérieuse, pas sérieuse, pas sérieuse, les pires pollueuses. Leur argent est très délinquant. Pas sérieux les médias qui nous cachent ces infos. Leurs infos sont pas sérieuses, pas sérieuses. Pas sérieux les costards cravates qui signent par cet acte débile qu'ils refusent de participer à la nature. Vas-y en costard à la campagne pour voir. Pas sérieux, pas sérieux. Qu'ils refusent de travailler eux-mêmes. Vas-y en costard essayer un vrai boulot. Pas sérieux, pas sérieux. Et qu'ils vivent en parasite. Pas sérieux, sur le dos des autres. Pas sérieuse la bourse entièrement subventionnée par les impôts de tous à travers leurs succursales des banques centrales. Pas sérieuse, pas sérieuse. Et qui ne crée aucune richesse collective, mais invente la mendicité béante des marginaux capitalistes. Pas sérieux, pas sérieux. Pas sérieuse, pas sérieuse les banques qui, livrées à elles-mêmes, placent n'importe quoi, n'importe comment. Pas sérieuse, pas sérieuse. Atteinte de gâtisme instantané. Le mot fric, pas sérieux, pas sérieux. Cette panacée non universelle, pas sérieuse, pas sérieuse. Les banques sont carrément immatures. Pas sérieux, pas sérieux. Les politiciens qui ne dirigent plus rien, vu qu'ils ne font que suivre, suivre. Pas sérieux, pas sérieux. Et comment pouvez-vous diriger, être devant? Pas sérieux, pas sérieux. Si vous suivez toujours, être derrière. Pas sérieux, pas sérieux. Et qui suivent-ils les politiciens? Sinon ceux qui sont pas sérieux, pas sérieux, pas sérieux. Pas sérieuse, pas sérieuse de la croissance qui repose aux deux tiers sur la consommation. La consommation n'est pas une croissance. Pas sérieuse, pas sérieuse. Une amélioration vu que la consommation c'est pas sérieux, pas sérieux. Une destruction, une soustraction, une consommation. Elle enlève, elle n'ajoute pas. Pas sérieuse, pas sérieuse. Ils sont pas sérieux, pas sérieux. Avec leur ridicule économie pour enfants attardés. Pas sérieuse, pas sérieuse. La soi-disant mondialisation. Cette forme la plus centralisée et la plus hiérarchique de la finance, pas sérieuse, pas sérieuse. Dans la formule la plus arriérée, pas sérieuse, pas sérieuse. Et la plus antidémocratique d'organisation sociale qui soit. Tout en se révélant, pas sérieuse, pas sérieuse. Complètement irrationnelle, pas sérieuse, pas sérieuse. On ne peut avoir confiance, pas sérieuse, pas sérieuse. Ni dans ses bourses, ni dans ses banques, pas sérieuse, pas sérieuse. Ni dans leur argent, vraiment fou. pas sérieuse, pas sérieuse. L'économie, cet insurpassable enfantillage. Pas sérieux, pas sérieux. Avec sa privatisation de tous les bénéfices. Pas sérieuse, pas sérieuse. Et sa socialisation de toutes les pertes. Pas sérieuse, pas sérieuse. Qui empêche toute répartition raisonnable entre tout le monde des richesses qui sont entièrement collectives. C'est pas sérieux, pas sérieux. L'économie est un tel enfantillage. Pas sérieuse, pas sérieuse. Qu'il est possible de dire que seule, oui, seule, une mentalité pas sérieuse, pas sérieuse, radicalement différente, pourra nous sortir des impasses pas sérieuses, pas sérieuses, que l'économie qui ment, pas sérieuse, pas sérieuse, que l'économie qui ment toujours et surtout, pas sérieuse, pas sérieuse, nous prépare. Pas sérieuse, pas sérieuse, dans sa folie intégrale. Pas sérieux, pas sérieux, des médias. Pas sérieux, pas sérieux, qui ne défendent plus que les archis minoritaires. Tous ces marginaux capitalistes. Pas sérieux, pas sérieux, qui, perdant toute raison, refusent tout débat de fond. Pour sombrer dans leur ridicule utopique de ne prôner, pas sérieux, que l'enrichissement de ce si petit nombre, leur enrichissement flagrant aux dépens du plus grand nombre, alors que trop riche devient un symptôme de maladie mentale, de tels médias, pas sérieux, sont carrément asociaux. Sociaux en voie de vraie délinquance. Pas sérieux, pas sérieux. Les médias, télé toujours, et parfois journaux ou radios, sont pas sérieux, pas sérieux. Ils planent hors toute réalité, avec tous ceux qui sont pas sérieux, pas sérieux, avec toutes celles qui sont pas sérieuses, pas sérieuses. Pas sérieux, pas sérieux du tout. Oui, pas sérieuse, pas sérieuse du tout. Au fait, toi et moi, on ne sait rien. Mais on a un style de vie qu'aime la nature et les humains. Mais on porte les vêtements du partage et du social. On nous disait pas sérieuse, pas sérieuse. Pas sérieux, pas sérieux. Alors que nous sommes les seuls qui soyons vraiment sérieux.